psychanalyste. Tu cries papa toutes les nuits. À ton âge, c'est un peu triste. Si tu dois crier ça toute ta vie. La nuit j'ai peur, j'ai des angoisses. Je vois des serpents et des camions. Je me regarde dans la glace. Je n'y vois que des bulles et des ronds. Elle s'appelle Psychose. La fille de minuit. La fille de minuit. En gélatine rose. Elle surgit d'un grand puits. De sa langue de feu. Me crache dans les yeux. Elle saute sur mon lit. Des électrodes partout. J'ai pris des bains de gelée de groseille. Je dors toujours avec ma nounou. Mais des poupées gluantes me réveillent. Laisse ton cerceau et tes billes. Éteins ta veilleuse la nuit. Mets du whisky dans ta camomille. Et trouve-toi vite une petite amie. Elle s'appelle Psychose. La fille de minuit. La fille de minuit. En gélatine rose. Elle surgit d'un grand puits. De sa langue de feu. Me crache dans les yeux. Elle saute sur mon lit. Ouverture. Ça témoigne d'une émission qui risque de fonctionner à 100 000 à l'heure. On va se faire arrêter par la police. Êtes-vous prêt? Elle tremble. Elle tremble. Voyons. Non, c'est une métaphore. C'est une façon de. Arrête. Pleurez pas, vous là. Les gens vont vous entendre. Puis le 28 vont dire, hey, c'est ça, il maltraite ses employés. Pas parce que vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas de droit de nourriture, vous n'avez pas de droit de vous imbiber les lèvres et d'embrasser l'animateur que vous êtes, voyons. Madame, revenez à nous après 120 minutes, s'il vous plaît. Faites comme d'habitude. On le paye, hein? On paye-tu le public? Là, c'est pas le public, c'est les gens qui travaillent pour toi. Le tablet, le molly, hein? Non. Oui, arrêtez de dire non, oui. OK. Hey, on l'a tué. On a choisi les meilleurs employés. On tient à les remercier ce soir, cette nuit, à ce début de... Encore, il nous reste 3-4 personnes qui nous écoutent. Ceux qui sont débranchés, ben, m'ont dit « Hey, tata! Tata! Tata! Hein? Ah, hein? Non, faut pas dire rien, faut dire pardon. Parce que c'est mal poli de dire rien. Ta mère, t'as jamais montré, vous? Vous l'avez, moi, c'est entre le tutoiement et le vouvoiement. Parce que je souffre de bégaiement. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dans. Merci. Entends-tu les. Quand je me sens contrarié, c'est comme le serpent. Je me laisse aller les grelots. Oui, je suis assis, mais on entend les grelots. On va travailler pour le Cirque du Soleil. Non, moi, je veux des lions. Je veux pas des fring, fring, fring, fring. Des gens qui se balancent. Fring, fring, fring. Non, je veux des girafes, moi, là. Je vais entendre tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. C'est ça que je veux, moi, là. Hey, 350 crocodiles en bas, puis le petit fring, fring, fring, l'individu qui se balance, là, on l'appelle comment? Le balancier, le balancier qui tente de faire des mouvements, de se faire applaudir. Bravo, voyons donc, ouais. Six tours sur toi-même. Moi, avant de tomber cet hiver, là, écoutez, hier, toujours hier, il s'en passe des affaires hier. Le hier, là, c'est un hier imaginaire. Hey, c'est beau, ça! Hey, c'est merveilleux! C'est un hier imaginaire. Alors, ce hier imaginaire-là, ben, je me suis cassé à la gueule! Mais avant de tomber, j'ai fait une vrille arrière. J'ai pris dans mes poches quelques poignées de sel et je les ai dispersées autour de moi avant de tomber, là, au ralenti. Fring, fring, ça, c'est le sel que je libère. Fring, fring. J'ai tenu ça dans ma main un peu comme le géant avec ses miettes de... C'est-tu du pain ou du riz? Ouais, ben voyons donc, c'est du riz, c'est même pas du pain, c'est de la de la jello. Ouais, de la jello. À chaleur, est-ce que ça fond de la jello? Ben oui! C'est pour ça qu'il faut laisser ça dans le frigo. Tu connais pas la composante du jello? Non, c'est quoi? Ben c'est de la jello, OK. Pourquoi on dit pas du jello? C'est du jello dans la jello. Ah, si on met de la crème, c'est de la crème dans le jello. Ah, c'est diabolique, c'est. Ah, c'est bon, c'est bon. Crise de foie. Comment ça, crise de... Non, crise de mal au cœur, mal à l'intérieur de ton corps, ça veut sortir. C'est moi, là, ça me rappelle à l'époque où j'étais possédé du démon. Je l'ai jamais dit public, là, mais je suis un ancien possédé, moi. Ah. Encore des fois, j'ai de la difficulté à m'orienter et à me concentrer sur moi-même. Les diables veulent m'auto-pénétrer. Moto, ben oui, ils ne savent même pas conduire, hein, fait qu'ils me frappent partout. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, moto-pénétré. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. J'ai remarqué qu'ils tentent avant tout de trouver les pointes de cheveux. Et croyez-moi, avec moi, ils en ont des embouts. Des embouts, ben des embouts, des endroits pour s'infiltrer. Comme le service secret. Comme les détectives privés. Comme il y a des millions de Columbos dans ma tête qui disent excusez-moi, t'as... Non, je suis pas encore parti, moi, là. Je suis en voiture avec ma femme, ma tante. Ah, mon chien est en train de japper. Ah! L'entendez-vous? Montez votre radio, madame. Écoutez, il y a le chien, il y a un bruit de chien. Avez-vous le bruit? On n'a pas le bruit, c'est le chien. C'est le chien tout seul qui fait ça. On n'a pas, besoin de bruitage ici, là. C'est pas de la radio montaginaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, un montage imaginaire, montaginaire. T'as de la difficulté avec ton français? Toi, avec ton articulation? Jamais. Vous savez qu'avant chaque ouverture de micro, je me place. Oh, on va savoir des choses. Oui, mais je me place un crayon. Oh là là! Est-ce qu'il faut censurer? Madame la censureuse, la censeuse, la cisseuse, la suceuse, pouvez-vous couper? Vos ciseaux? Non, prenez le scalpel. Numéro 17, le plus gros, avec la pointe fine. Soyez pas gentil, mais coupez-le. Si vous entendez une grossièreté, l'émission peut durer 15 minutes. Hein, on sait pas. Êtes-vous prête? Comme la chatte dans Batman. Batman. Le film, la série Batman. Batman, Batman, Batman, Batman, Batman. Comment ça, Batman? C'est Batman. Qu'est-ce que tu connais? C'est moi, regarde. Moi, la BDCDGTMD, là, c'est moi qui l'ai inventé. On disait avant tout, hey, c'est de la bande dessinée. Puis là, ça faisait trop intellectuel. Les gens cherchaient, où est l'essence shakespearienne? Où est la drôlerie moliéresque? C'est de la BD. Relax ta papille, toi, là. Lèche les pages. Te pénétrer! Rentrer dans ta tête! Si t'en as une, là. Elle est toute petite. Tout petite, ma tête. Elle va grossir. Normalement, là, je te conseille de placer à l'intérieur de ta bouche des éponges. Là, ça va grossir dans ta bouche. Là, ça va prendre de l'expansion. Attention, de l'expansion. Devant le micro, merci. Non, c'est parce que je m'y mets en même temps, là. Vous saviez pas, ça fait que 25 ans que ça existe, cette émission-là, c'est filmé, c'est enregistré, c'est capté, il y a le GPS qui nous frôle dessus, il y a des hélicoptères. C'est hélicoptérisé, c'est pris sur le vif! Pourquoi je fais ça? Ben, vous le dire, madame, c'est parce qu'on me disait, on osait me dire, ouais, mais toi, cette émission-là, c'est intéressant, oh. On s'endort un peu, là, mais on reste l'œil ouvert grâce à... Parce que moi, je mange régulièrement un petit club sandwich et je me place, le cure-dent entre la paupière et puis l'intérieur de l'œil. pour qu'il reste ouvert pendant son émission. Là, c'est très intéressant, mais quelquefois, il veut cacher. Hein? La musique laisse à désirer, quelquefois. Moi, la techno, mielleuse, censoreuse, underground, c'est très beau. Mais à 2h moins 5, là, planant, là, je plane plus, moi, là, je... Après ça, c'est une musique punk des Raymonds. Hey, on peut dire que c'est la diversité sonore. Hein, ma Gaétan? Combien de fois je me suis cassé le Timilos, Tipilos, le Tyrinos, Rhinocéros, Tipilos, Santos, ça peut, Timilos, Santos, Dominos et Melolos. Hein, c'est quoi? Ah, Timilos, Santos, Wella Melanos, Wella Tela, Molanolé, Yann, Sonne, Widney. Non, je suis pas en train de prier, là. Non, je ne me suis pas converti, mais. Déjà, de la difficulté à me concentrer dans le rénaltisme. Ah, si tu fais... lorsque vous rentrez dans ma... C'est pas une religion, moi, là. Ah, j'ose pas vous faire de religion. C'est un mouvement. On bouge tout le temps. On se sent comme dans une lessiveuse. Ça brasse, ça brasse. Puis, ce mouvement-là, là, le premier, c'est « Je me frapperai point devant le micro ». Bon, là, vous allez me dire, moi, un micro, j'en ai pas chez moi, là. Mon époux, ben, j'ai cassé son micro à plusieurs reprises. On est divorcés. Elle s'appelle Rita. Hein? Cassé le micro, Rita. Non, t'as comprends pas? OK. OK. OK. On arrête. D'accord. Excusez-moi, madame. On revient à nous. On voulait pas vous. Arrêtez, s'il vous plaît. Écrivez-moi à rénalquebec@commercialhotmail.com. Oups. rénalquebec@commercialhotmail.com. Combien s'écrit? Ça s'écrit 100 fois. Combien? Combien de temps? Non, ami Rénal, lève la voix, mais surtout ne divague pas. Monsieur le Président? Monsieur, il n'est pas trop catholique. Je me lèche la... Madame les volupté. Ben oui, mais c'est parce que c'est pour tourner les pages, hein. Faut toujours se lécher la... Madame les voluptés, et vous, cher résident et résidente impudique, bienvenue. Qui dit que tes auditeurs sont impudiques? Elles ont l'oreille frivole, certes. Ils ont l'oreille frivole. Pourquoi je féminise mon auditoire? La langue française est misogyne. Le masculin l'emporte. Ça, c'est quand même assez incroyable, hein? Admettons que ce soir, 375 000 auditrices m'écoutent. Là, il y a un perdu, là, je le dis souvent, un perdu dans l'espace, là, qui est là. Il est déjà parti. Il ne débouche plus, il fait sauter. Il se fait sauter, là. Qu'est-ce que tu fais là? Je mime le déboucheur. Et puis là, il tombe par hasard sur l'émission. Hein, des bons! Parce qu'il a comme compris quelques concepts. L'émission intellectuelle. Non. Non, extraterrestre. Change de chasse cette chaîne de ta tête. Syntonise autre chose, là. Il y en a des radios pour toi, là. Je peux pas y nommer, mais il y en a, là. Fais un X sur la mienne. Va sur d'autres X. Il ne comprend pas. Il est fini au maximum. Il est fini. Il est à terre. Il lèche le plancher. Veux-tu vers la gauche, là? Hey, parce que on a fait une petite fête avant-hier. Oui, un avant-hier imaginaire. Et il y a plein de monde qui ont gerbé. Puis ils ont suivi le même coin. Je ne sais pas, à la senteur. Oh, c'est là. Excusez-moi. Non, je ne voulais pas recréer ça, là. Mais c'était pour vous rentrer dans... En fait, pour vous faire sortir le... Bon, monsieur. Alors, qui dit que le public est impudique? Moi, si. Aïe, donc. Oh! Je me suis la troisième vertèbre. Dans l'estomac. Y a-t-il des vertèbres dans l'estomac? Y a-t-il le médecin dans la chale? Arrêtez d'appeler. Je peux pas répondre en même temps. Je fais un micro, s'il vous plaît. Rappelez plus tard. Alors, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue, ça clignote. Oh. Rappelez plus tard. Bienvenue à la douce renilité, hein, qui? Ben oui, mais ça me... Moi, est-ce que je peux fermer le clignotant? Y a-t-il une ampoule que je peux péter? Y a-t-il? Attendez, avec mon esprit. C'est quand même 12 pieds entre moi et l'ampoule. Hey, monsieur, ça peut-tu péter, ça? C'est moi qui vais péter à la place de l'ampoule, attends un peu. Dans Shining, avec la concentration. Je me concentre pas assez. Attendez, un peu plus de... Je devrais faire des arts martiaux. Non, je suis pas en train de gerber. Non, madame, faites-vous-en pas. On va faire péter la lumière, je vous le dis, avec ma concentration. Si des boutons de votre radio explosent, je m'en excuse infiniment. Envoyez-moi la facture, je vais vous la réenvoyer. Lumière, t'es raccroché. Au lieu de essayer de me faire tenter de péter la lumière, là, m'a pété autre chose, puis ça risque de pas être bon. À l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme, Rénal de Lenéant gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure s'invite à vous. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pit qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant. Votre pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, ben, essaye bien de boucher l'orifice quand tu joues. Hein. Willy, comment il s'appelle donc Willy qui faisait la musique avec un violon électronique là? C'est pas Willy Laflotte, c'est Willie Nelson. Mais non, c'est un Québécois. Il joue dans un film de la trilogie là, avec Pascal Mussière et Pascal. Aujourd'hui, le vendredi 28 décembre 2012, la dernière de l'année, dans l'émission traditionnelle. Parce que nous avons... Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il veut dire que c'est la dernière émission conventionnelle. Celle qui rentre dans les sillons réglementaires de l'horaire de CKRL. Comprends pas? OK, CKRL, ouais, son horaire. Fixe. Bouge pas, là. Fixe. Normalement, tous les animateurs doivent être là. Des fois, il peut y avoir des petits changements. Mais normalement, c'est fixe. Mais là, pendant la période des fêtes, là, c'est le bel aménagement sonore qui vous est amené à vous, là, hein? Ben oui, j'en fais partie. À la fin de l'année, adieu 2012, salut 2013. Moi, j'ai osé être fantasque un peu parce qu'on nous disait, il n'y aura pas de 2013. Moi, je dis, même s'il n'y en a pas, moi, je vais être là. Là, je me suis préparé dans ma main parce que j'habite dans un triple sous-sol. J'ai tout mis ça en amiantose, insonorisé. J'avais 3 pieds carrés pour bouger. J'avais placé... Une lamelle de lait, une lamelle de l'eau, une lamelle, un chien, mais quoi, dans la, une gamelle. Là, on le chien, j'avais mis dehors, qui crève. Non, j'ai qui partent à l'aventure. Hein? Moi, non, la spécia, je ne suis qu'un simple. Bon. J'avais mis la chamelle de blues devant moi, avec de l'eau. Et un autre chamelle de blues avec de la bouffe de blues. Ça blousait, ça sentait la blouse. Ah, c'est la blouse de religieuse, là. Bref. Et là, j'ai dit, quand la fin, ça arrivera, j'aurai tout pour bouffer, passer à travers pendant à peu près 4-5 jours pour ramper jusqu'à CKRL, 405 3e avenue. Heureusement qu'il n'y a pas d'appartement. Ramper vers les escaliers. Là, j'ai demandé à Tania Beaumont, Tania, arrête-moi, elle me dit, arrête de m'appeler! C'est pas la voix de Tania, là, c'est moi, quand je me possède plus, là, tu sais, je suis comme empris d'une âme autre que la mienne, là. Fait que là, Tania, elle m'a fait une clé, elle m'a dit « rappelle-moi plus », elle m'a dit « je veux plus rien savoir », elle m'a dit « bravo », puis continue. Là, ça s'est comme embrouillé dans ma tête, là. Puis je me suis rendu assez correct. J'ai débarré la porte. Là, c'est pas le temps, c'est le 31 au premier. Là, j'ai rampé dans mon demi, dans mon triple sous-sol, devant l'eau et la jamelle de blouse. On sera là pour défoncer la porte et arriver à vous. Pour franchir 2012-2013. Amenez vos enfants, c'est ouvert à tous. Il n'y aura pas de grossièreté. On va parler d'écologie, de pharmacologie, de gynécologie. Il n'y a pas de logique. Ah, ça ne sera pas logique, cette émission-là. Mais aviez-vous honte, Mme Tremblay, lorsque vous invitiez vos enfants à aller voir Marc Favreau? Rita, quand t'as été voir ton Raymond, la petite bédaine Raymond, le petit poussin avec le cœur de banc, Raymond de Blose, bon. Pas de gêne là-dedans. Il y avait peut-être deux, trois grivoiseries, puis là, la madame faisait pour que l'autre n'entende pas, le petit, là. Mais ils comprennent, ces enfants-là, là. Voyez, en 2012-2013, les vidéoclips, il n'y a plus, les gens sont plus habillés. Oh. Ching, c'est beau, le mononcle Sarah, ouais, le sous-marin brun, hein, ça va bien. Alors, Freda Della, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est né le 15 juin 52 en Alger. C'est un chanteur harmoniciste français. Il est né en Algérie en mars 45. Nous l'avons rencontré à Québec. Non, pas à Québec. Moi, je suis à Québec, là, mais je l'ai rencontré à Paris. Je voulais vous dire que Freddy devient un des plus jeunes doués en harmonica. À l'âge de 5 ans, il prit l'instrument. Il a collaboré et partagé la scène, entre autres, comme harmoniciste et batteur avec Frank Langhoff, Antoine Renaud, Serge Gainsbourg et Vanessa Paradis. En juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet homme lumineux. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale, la dernière de 2012 à Errance Renaldienne. Et quand je vous dis Errance Renaldienne, là, c'est l'errance que vous connaissez, là, pas celle qui dérape pendant 16 heures. Passant par Paris, vite dans ma bouteille. Passant par Paris, vite dans ma bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille, bon, bon, bon, halle, bon, vin, m'endort, l'amour me réveille encore. Le bon vin, m'endort, l'amour me réveille encore. Un de mes amis me dit à l'oreille. Un de mes amis me dit à l'oreille. Pierre, prends garde à toi, l'on pourtit ta belle, bon, bon, bon. J'ai eu de son cœur la fleur la plus belle. Bon, bon, bon, ah, le bon vin m'endort. L'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort. L'amour me réveille encore. J'ai eu de son cœur la fleur la plus belle. J'ai eu de son cœur la fleur la plus belle. J'ai eu trois garçons, tous trois capitaines. Bon, bon, bon. Deux sont à Paris, l'autre à La Rochelle. Bon, bon, bon, le bon vin m'endort. L'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort. L'amour me réveille encore. Deux sont à Paris, l'autre à La Rochelle. Deux sont à Paris, l'autre à La Rochelle. Il périt ici, qui bat la semelle. Bon, bon, bon, le bon vin. Je suis très profondément français. je suis très profondément bleu, blanc, rouge, j'adore mon drapeau. Et j'aime beaucoup les gens qui respectent mon pays. Ok, c'est bien. C'est tout. Ah ouais. Si vous étiez une époque, on a... Si j'étais une époque, j'aurais bien aimé avoir 20 ans en 45. Pourquoi ? Pour tout ce qui est arrivé du jazz, tout le besoin de musique qu'il y a eu à cette époque. 45, 46, 47, 48. Ça, c'était... Moi, j'étais trop petit, mais j'aurais bien voulu jouer à cette époque-là. Okay. Parce que les orchestres, les musiciens veulent dire quelque chose. Oui. Maintenant, c'est des machines. Il n'y a plus de musiciens. On a piqué le boulot des musiciens avec toutes les machines qu'ils nous ont inventées. Avant, les musiciens travaillaient. Il y avait des guinguettes partout. Et c'était plus vivant. Il y avait des musiciens qui pouvaient vivre de leur métier. Ils pouvaient dire, qu'est-ce que tu fais ? Je suis musicien. Ah, c'est bien. Maintenant, si tu dis que tu es musicien, déjà, c'est un clodo, c'est un clochard. Il vaut mieux que tu dises que tu es DJ. Oh, DJ, c'est ça, exact. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mélodie Mamie. Ok. Pourquoi tu es parti, Mélodie Mamie ? Et c'est une chanson qui, j'ai voulu dire par là, qu'il n'y avait plus de mélodie. Mm-hmm. On l'a oublié, la mélodie, à cause des... Les synthétiseurs, le techno. Du rap et du coup. Ah ouais. Mélodie, une belle mélodie. Si vous étiez un mot... P. Oui. P-E-T ou P-A-I ? P-A-I. P. OK, P-A-I. P, la vraie. La vraie P. Qui n'existe pas. OK. Non, c'est vrai. Mais on y tient, on essaye d'y arriver. On essaye, mais... Moi, je serai ça. Sitting home all all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to love this room. Aussi bon que l'original. Redal est aussi bon que l'original. Redal. C'est lui, le Redal. C'est le... bizarre. Avec des... puis des... ouais. C'est lui. C'est original, hein? Non, c'est pas... non, non, non. Il s'appelle pas original. C'est original. Lui, là... non, il est pas parti... il y a pas de ring... il y a pas le ring... bon. Là, ici, maintenant, à tribunal... oh, excusez-nous. Une discussion, là. Entre la fanfaronne, la fanfaronne et le Ron. La qui? Le Ronan. Ronan. Ronan. Ronan. Never twice must Ronan. Ooh, Ronan. Lift twice must chanton. Ce soir. Là, ici, maintenant, c'est le succès, c'est le succès! les dollars vont tomber, l'argent va tomber, c'est la main de mon nez. Non, je vais rester simple. Je vais continuer à parler au public, à serrer quelques mains et à me souvenir vaguement de vos visages. Vous m'appellerez Reynald? Mon visage se tournera dans l'autre direction, histoire d'avoir l'air autant, autant, autant de la bonne chanson, les gens dont les gens, les gens, on passait tous au salon, dans la main, il y avait la mère. Elle, non, c'est pas la mère, c'est la grand-mère. Ah oui, c'est vrai, la grand-maman. Elle choisissait un cahier. Et c'était toujours le grand-père qui choisissait le premier. Doux souvenirs de ma jeunesse. Venez à moi, petits enfants. Ouvrez-le-vous. C'est là que ça pleure, là. Madame, allez-y, ça. Pendant la période, il faut pas pleurer. Et elle prépare sa dinde, là, puis ça pleure. Pas d'eau salée là-dessus, ça va brûler, ça va goûter la... On est de vous, c'est la arrêtez de pleurer. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Oh, non, ça lui rappelle le temps de la bonne chanson. On l'arrête ici, hein? On frappait tous à la porte. On ne répondait pas comment. Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. En force. Là, j'amène l'éclairage, mais le fil ne défile plus. Le parapluie paralyse. Bon, écoutez, admettons que c'est mon visage, madame, mademoiselle. Bon, OK, c'est bien, là. Il y a un petit peu d'éclairage. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Chopin. Les gens vont se dire, pis, ça, c'est de la radio. Ben oui. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-le nous suggérer. Il y a une grosse infrastructure. Infrastructure. Ce soir, comme à tous les soirs, où l'émission a lieu. Sinon, ben, c'est pas comme ça. Je remonte les poulies. Je descends la clôture. Je laisse aller Fido, qui fait rouin. Ouais, j'ai un Fido qui fait rouin. Ça impressionne. Quand le facteur veut pas partir, là, hey, mon Fido, là, il est en cours à l'arrière. Il attend juste le cri Fido, puis il va courir vers nous. Il va bondir sur vous. Il va vous arracher la lettre d'amour que vous cachez. Une auditrice. Hein? Il n'y a pas de lettres. C'est cybernétique. Hein? C'est des courriels. Okay. Mais c'est, hey, c'est dommage. Je viens d'avoir cette idée-là là, qui me flash dans le cerveau. Il y a une lumière. Aïe, donc. Hey, imaginez-vous, là, mademoiselle, vous êtes amoureux d'un garçon. Vous lui écrivez un courriel. Vous lui envoyez. Ce garçon ouvre ce courriel. Il n'y a que les mots. Il n'y a pas d'odeur. À une certaine époque, on pouvait placer du parfum. On ouvrait la petite enveloppe. Oh! Ça sent la Mary Jane. Oh, Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides. Dans la Là, Bukowski, ouvrons-lui un petit coin d'abord. C'est fini, c'est vrai, il n'y a plus de lettres d'orama avec le cybernétique. On peut faire d'ajouter des petites des images, des conneries. Là. Mais le côté olfactif, c'est mort. L'olfactif est mort. N'en parlons plus. Chacun sa route. Chacun son but. Et comme ils sont en grève, je fais ce que je peux. Ce que je peux. Ce que je peux. Et le but! Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin d'abord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et Nouvelles. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. La première phrase, c'est « À 3h du matin, le téléphone sonne. » Bruiteur, faites le téléphone qui sonne. Fring, fring, fring. Ça, c'est bon, ça. 3h, 3 coups. C'est comme l'horloge à grand-père. L'horloge à grand-père sonne les coups de l'heure. 1h, 1 coup. 2h, 2 coups. 3h, jusqu'à 6 de la butte. Puis à 13h, là, ça fait... Ça recommence à 1, parce qu'il n'est plus capable de se rendre à 13. Quand même, à son âge, 13, c'est beaucoup, là. C'est l'horloge grand-père. On est quand même chanceux de l'entendre faire 12, lui, là. Puis même à 12, là, il commence à rechercher son dentier. Là. Il va sa conchonnerie. Ding! OK, il est minuit. Minuit, chrétien, c'est déjà passé, c'est passé ça, j'ai déballé toutes mes affaires, j'ai jeté ça, j'ai envoyé ça dans des voûtes, je retrouverai 12 mois plus tard que je réenvoierai aux mêmes qui me les ont envoyés, c'est comme ça, moi je fais mes cadeaux, pas de conneries, pas de niaisage, pas d'achetage, moi l'achetage là, j'ai-tu l'air d'un achetage, moi. 3h du matin, là, je suis là en train de démêler mes cadeaux, c'est à qui je vais donner ça là? C'est à moi. C'est à qui? Je les ai acquis, moi, je les ai achetés. Pourquoi je donnerais ça, là? Je suis qui pour donner, moi, là? Personne ne me donne rien. Hein? Ça, c'est le moment tendre. Comme mon steak, saignant. Avec des patates frites croustillantes. Sais-tu pourquoi? Parce que ça fait comme un certain combo entre ton steak, qui est résistant, saignant, et tes frites sont croustillantes, secs. C'est une texture des plus jouissantes. Je vous reviens. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous reviens. Non, allez. Non, je vous reviens. Alors, on veut pas que tu reviennes. Reste ici, reste à nous. Le titre. On va arrêter ça comme ça, hein? On va laisser ça, oui. À feu doux. Très doux. Doux. Bon, comme du velours. Comme il disait quoi donc? J'ai changé ma veste, j'ai tourné ma veste lorsque je me suis rendu compte qu'elle était doublée de velours. Oh! Et le titre de la nouvelle de Bukowski, parce que là, il faut suivre qu'à 3h du matin, le téléphone sonne. Je réponds. On n'arrête pas là, je réponds. C'est Suzanne. Elle dit, je te cherche désespérément. Hein? Ça me dit quelque chose, voilà, là. Suzanne? Oui, je te cherche désespérément. Oui. Peux-tu me le redire une autre fois? Je te cherche désespérément. Hein? Est-ce que Madonna... Est-ce que Madonna est là? Non. Dit-elle. Non. Dit-elle. Bon, et une fois? Non, dit-elle. Ah oui, on le sait, dit-elle. Vous savez que l'écho, c'est elle? C'est moi. Et puis pas d'écho, c'est moi. C'est moi. Bon, c'est simple, ça. Le public a compris. Les gens vont au théâtre, vont voir des spectacles vivants. Quoique, il y en a quelques-uns qui sont morts, là. Elle va-tu se réveiller? Elle a fait la mort depuis 3 heures. C'est du quoi, ça, là? C'est du théâtre. Espérons que c'est expérimental. Parce que j'ai mal au mental à force de voir autant d'expériences qui se passent devant moi. J'ai pas payé cher mon billet. Je regarde ce qui arrive devant la scène en bois rond qui sent le chalet. Un éclairage qui nous chauffe la cervelle. À quoi chercher? À quoi vaincre? À quoi mourir? Hein, c'est quoi ça? Ça, c'est pas du Michel Damblay, ça. C'est... Ben, en fait, Damblay, nous avons cru que c'était lui. Nous avons fait des recherches dans les médias. Pas sociaux, parce que moi, je suis asocial. Ben, lâche-moi, je suis comme Deltros, moi. Je suis antisocial, j'attends mon bien-être social. Je suis antisocial, travailler pour que j'empoche. Vous êtes des poches, travaillez pour que j'empoche. Je suis antisocial, j'attends mon bien-être social. J'empoche, travaille toi pour que je reçoive mon bien-être social. Je t'offre un verre d'ivoire à la santé de celle qui m'a quitté. Elle est partie un matin, ma vie s'est arrêtée. Elle ne m'a pas vu pleurer, elle a claqué la porte. Depuis 2 jours, la ville a le parfum des amours morts. Je t'offre un verre d'ivoire à la santé de celle qui t'a quitté. Ce soir, je me sens moi aussi le cœur à oublier. Elle était tout ce qui m'a resté, c'était ma fille. Et hier, quand elle t'a quitté, elle m'a quitté aussi. Elle n'est plus là, ce soir. Et moi, je l'aime, elle est partie sans rien voir. Mais moi je l'aime. Je t'offre un verre de boire à la santé de celle qui t'a quitté. Pour elle j'ai sacrifié 20 ans, pour elle j'ai tout donné. Elle n'est pas prête pour la vie, c'est encore une enfant. Je voulais la garder encore même seulement un an. Je t'offre un verre de boire à la santé de celle qui m'a quitté. Tu sais, j'avais des intentions, je voulais la marier. Je nous voyais déjà tous les deux dans notre maison. J'avais déjà choisi les noms de ses premiers enfants. Elle n'est plus là ce soir. Et moi je l'aime, elle est partie sans rien voir. Mais moi je l'aime. Je il nous reste à boire, il reste à oublier. Il nous reste à danser, allez, donne-moi donc ton bras. Qui sait, peut-être que demain elle nous reviendra. Je t'embrasse, vers la santé de celle qui m'a quitté. Je t'embrasse, vers la santé de celle qui m'a quitté. Je t'embrasse, vers la santé de celle qui m'a quitté. Oui, si vous étiez un aliment. Ah, si c'est un aliment, c'est difficile pour moi de choisir, parce que je suis assez gourmand. Okay. J'aime bien la bouffe. Vous êtes dans le coin. Je vais rester avec la frite. Hein. La frite, non, bon, vous avez un petit côté belge bien caché. Si vous étiez une saison. Ah ben forcément, la plus belle. C'est laquelle ? L'été. Voilà, et bien moi, non, c'est pas la plus belle. Pour moi, c'est le printemps. C'est vous, c'est le printemps. Pourquoi c'est moins chaud ? C'est pas que c'est moins chaud, c'est parce que tout. Tout renaît. Tout renaît. C'est ça. L'été, c'est. L'été, on s'en va vers l'hiver. Oui. Le printemps, on a. Surtout au Québec. Les printemps, on a l'arrivée des fleurs et on a l'espérance de l'été. Et la beauté des jeunes filles. Et voilà. La beauté des jeunes filles. Si vous étiez un membre corporel. Ah, on va parler des jeunes filles. Non, mais... je pense, si j'étais un membre, je serais bien une main. Pour l'écriture, pour la musique. Ouais, une main. Ouais. Si vous étiez un moment de la journée. Ah, le moment de la journée, c'est difficile. C'est difficile pour moi. J'aime beaucoup le petit matin. Alors vous étiez levé assez tôt ce matin. Ce que j'aime bien, c'est rentrer tard de gala. Quand les oiseaux commencent à chanter, que tout le monde dort, je peux m'asseoir sur le mur de ma maison devant, puis j'entends rien, et puis j'entends comme la musique qui bourdonne, mais personne n'est levé encore. Ouais, mais vous n'avez pas encore dormi, là? Mais c'est pas grave, c'est okay, après. Ok. Alors vous êtes un couche très tard, vous couchez très ça tard. Ça peut m'arriver. Ok. Je peux faire les deux. Ok. C'est ça la vie de musicien, hein, c'est de se coucher à des heures... Des fois c'est possible, des fois non. Ok. Des fois, on se fait. Et vous dormez quand vous pouvez? Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc tout va bien. 1, 2, 3. We'll be right back. soir, je donne tout. Et ça, c'est pas une blague. Avec une recherche sur Internet. Rosalie, Rosalie, au fond de moi. Tous les jours, je pense à toi. Moi aussi. Ça vient d'où, ma doudou, ton grand dédain. Doudou, doudou, doudou. Je suis seul au dodo, j'ai plus chagrin. Pas de j'ai le béguin de la biguine, Michel. On va lécher la table. Elle est souvent. Elle est bien. Elle est chez nous, c'est la bonne biguine. Ah oui, Carlos. Un, deux, Rosalie, trois. Rosalie, ma rose à moi. Oui, oui, oui, oui. C'est comme une maladie qui ne guérit pas. Il a raison, il a raison. J'ai le goût, ma doudou, qui n'est pas trop fort. Prenez-moi rendez-vous, je suis mort. Bibou, bibou, bibou, bibou. Rosalie, Rosalie, dans quel état? En état secondaire. Tu m'as mis cet été dans quel émoi? Ah, l'émotion. J'adorais ma doudou, je me souviens. Je me souviens. Qu'elle dansait, qu'elle dansait, qu'elle dansait bien. Qu'elle dansait, qu'elle dansait, qu'elle dansait bien. Qu'elle chantait, qu'elle chantait, qu'elle chantait bien. Qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait bien. Qu'elle mentait. Mais qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc? Oubidoubidoubidoubon. Doudou, amadoui-toi donc. Oubidoubidoubon. T'aider au dodo, c'est bidon. Dis doudou, tout c'est bidon. Moi, doudou, j'ai tous les dons. Ah, je sais que t'as des dons. Oh, le petit cochon. Don, don, don, don, don. Oh, Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Mais qu'est-ce que t'as dit, dit, dit, oui, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, L'idée au dodo, c'est piton. Moi, doudou, j'ai tous les dons. Toi aussi, nous avons des dons. Doudou, doudou, doudou, doudou. Comment sont-ils, piton? Trompette, trompette. Oh, la jolie trompette. Mon Dieu, quelle est jolie la trompette, oh, monsieur. Non, c'est une gazelle. C'est une gazelle, ça fait. Le messier, il a la grosse trompette. Pour s'amanouer avec le messier qui a la grosse trompette. C'est des coups de tout sous bidon. Comment ça, comment ça, comment ça, tout là. Amadou, voilà. Amadou, voilà. J'ai la trompette pour Amadou. Chain. Oh, chain. Sweet, sweet chain. Come in, do it, let's J'aimerais être Lulu, parce que j'aurais déjà 80 balais et une patate d'enfer. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, c'est votre maître à penser. C'est un exemple, à suivre pour les gens de sa génération. C'est un monsieur qui fait tous les jeudis du sport, la piscine, du chant, etc., etc. Et qui vient, et qui vient. Donc, c'est 80 ballets, pour moi, c'est excellent. C'est très important. Ah, c'est merveilleux. D'une réaction comme ça. Moi, je le titille, tout ça. Oh, oh, là, oh, je suis oh, en oh, train d'écrire une chanson pour lui. Tu l'auras peut-être un jour. J'espère. Parce que j'ai écrit une bonne chanson. Nous lui rendrons hommage voilà. Avec plaisir. Et, mon donc, je suis en train d'écrire, c'est pas évident parce qu'il faut que je condense tout ce que c'est ce personnage et son état. Oui, et vous vouliez dire j'espère que ce ne sera pas un type costume. Oh non, non, mais je ne crois pas, je ne crois pas. Bonjour mademoiselle. Je voudrais un Perrier menthe, s'il vous plaît. Toi tu veux aussi la même chose. Aussi. Non, merci. Tout ça. Ouais, c'est payé ça, ça y est. Je paye encore une deuxième fois. Et des fois une troisième. Alors un Perrier menthe. Ah, oh, mais pas moi. Hein. Deux, alors, je crois. Deux périmantes? Deux, oui. À choisir, feriez-vous le même chemin? J'ai pas tellement choisi, quoi. Le chemin, c'est la vie qui me l'a fait faire. Hein, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais je le referai par vie, oui, bien sûr. De la même façon? Avec la différence de... Oh! De, avec la différence de ce qui est arrivé... Qui est ça, en dessous de papier? J'enlèverai le passage d'Algérie. Le passage de? De l'Algérie, je l'enlèverai. Pourquoi? Parce que c'est des mauvais souvenirs. Ok. De des implantations, de cette histoire qui s'est passée comme ça. Vous savez, quand on est déraciné, encore nous on était jeunes, mais c'est maintenant que je me rends compte que nos parents ont dû souffrir. Ok. Quand on leur a dit, bon maintenant vous laissez votre maison et vous partez. Ah ouais. Vous allez là-bas. Et qu'ils ont fait toute leur vie. Là-bas. Et qui changent de pays, et qui connaissent plus personne, et que du soleil, ils arrivent à Rouen. Il faut, c'est pareil que toi, demain, on te dit, c'est plus ton pays, c'est plus le Canada, prends ta valise et tu vas en Arabie Saoudite, voilà, c'est là-bas. Ouais. Et tu te démerdes. Ah ouais. Il faut arriver à comprendre ça. Alors quand on a 16, 17 ans, ouais. On arrive, il y a les fils, c'est bien, on ne se rend pas compte, mais les parents, il faut continuer. Et donc c'est plus tard. Maintenant qu'on se dit qu'est-ce qu'ils ont dû en baver. Ah ouais. Donc cette période-là, je referais bien tout ce que j'ai fait sauf ça. Ouais. Alors c'est quand même un moment difficile dans leur vie, mais pas dans la vôtre, parce que vous n'étiez pas à l'âge où on pouvait comprendre ce qui se passait. Exactement, on comprenait, mais bon, ça n'allait pas plus loin que ça, puisque la France était toujours notre patrie, tout ça, mais on... C'est inimaginable que la France donne un département, quoi. Oh, ouais. La preuve. Ouais. La plus grande preuve qui existe. Moi, je vais la dire. M'en vois à l'écurie pour épier mon gris. M'en vois à l'écurie pour épier mon gris. Arrivé dans l'entrebue, il s'est mis à ruer. Petit wouf à la scène, tout est à la catine. Range ton catin pour passer le gaiement. Petit wouf à la scène, tout est à la catine. Range ton catin pour passer le gaiement. Arrivé dans l'entrebue, il s'est mis à ruer. Arrivé dans l'entrebue, il s'est mis à ruer. Il a rué si fort qu'il m'a jeté dehors. Petit wouf à la scène, tout est à la catine. Range ton catin pour passer le gaiement. J'ai dit wouf à la scène, tout est à la catine. Il a rué si fort qu'il m'a jeté dehors. Il a rué si fort, il m'a jeté dehors. Quand ma femme est arrivée, j'étais pas pour la vie. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. Quand ma femme est arrivée, j'étais pas pour la vie. Quand ma femme est arrivée, j'étais pas pour la vie. Elle priait pour mon temps, puis quitte à faire la saison. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. La catine, range ton catin pour passer la gaiement. Elle priait pour ton piqué d'appel à la maison. Elle priait pour ton piqué d'appel à la maison. Rendu à la maison, elle me donne du bouillon. Et du wouf à la scène, c'est que t'as la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. J'ai dit wouf à la scène, c'est que t'as la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. Rendu à la maison, elle me donne du bouillon. Rendu à la maison, elle me donne du bouillon. Du bouillon en attendu, j'ai tapé la perlue. Et du wouf à la scène, c'est que t'as la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. Du bouillon en étant vu, j'ai attrapé la perlue. Du bouillon en étant vu, j'ai attrapé la perlue. Je l'ai attrapé si fort, j'ai foncé l'hiver dehors. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. J'ai dit wouf à la scène, ticket à la catine. Range ton catin pour passer la gaiement. Je l'ai attrapé si fort, j'ai foncé l'hiver dehors. Je l'ai attrapé si fort, j'ai foncé l'hiver dehors. Quand le printemps est arrivé, je n'avais plus que l'air d'aller. Oh, c'est beau, poète. J'ai dit, wow, par la fin, t'es que t'as la cassine, rang la cassine pour passer la guéma. J'ai dit, wow, par la fin, t'es que t'as la cassine, rang la cassine pour passer la guéma. Excusez-moi. J'entendais plus fort ces paroles, les paroles qu'elle disait lorsque je l'ai laissée. C'est à toi que je pense, pour toi que je vis, reste, je t'en supplie. C'est à toi que je pense, toute la nuit, nous devons nous entendre. Quelques petits baisers, quelques vers, elle aimait la danse. Très jolie, mais encore un peu trop étrange. La nuit troublait ma pensée, la fumée étranglait mes idées. Quand même, je n'ai pas rejeté ce qu'elle m'a avoué. C'est à toi que je pense, pour toi que je vis, reste, je t'en supplie. C'est à toi que je pense, toute la nuit. Quand elle m'a embrassé, j'ai compris ce qu'elle voulut dire. Aussi dans la fumée et le bruit, j'essayais de fuir. Elle me dit l'heure est arrivée, et chez moi nous allons rentrer. Je ne vais pas rentrer car je n'avais pas oublié. Raconter ce qui s'est passé, monsieur, là, non. Parce que le banc s'est affaissé de 2 degrés, donc je me sens cloué au sol. Cette semaine, et puis le micro me cache, là, mais le public, non, il ne doit pas savoir. Attendez, relève-toi et marche. Voilà, comme ça, oh, c'est merveilleux. Je me sens plus à l'aise. Mais sincèrement, je préférais... Ah, mais en tout cas, le public... cette semaine, et ça, c'est ce qui est plus du concept. Rentrer la chaise dans la table, mais je peux pas... Rentre la chaise, rentre la table, rentre la chaise, rentre la table est dans la chaise. Si vous décidez de faire une émission de radio un jour, là, à CKRL, à n'importe quelle radio communautaire ou hors norme, ne suivez pas mes conseils. Parlez pas de vos états d'âme. Quoique... j'écoutais Suzanne Lévesque lorsque j'étais, j'allais dire jeune enfant, ben enfin, lorsque j'étais mineur. Et oui, parce que j'ai travaillé dans les mines, mineur de fond. Ainsi fond, les mineurs de fond. Ainsi fond, les mineurs de fond. Ouais, des pont, ouais, ouais, l'homme et l'homme, ils sont dans les sons. Hein? Ouais, c'est plus le temps de... y a plus de questions, on se pose plus de questions. Y a plus de réponses dans les... au numéro que vous avez composé. 2 est un numéro chanceux. 4 est père. Et si vous cherchez votre père, je vous conseille dans le 1, le 3, le 6, le 9. 6, c'est père ou impair? 1... 3, 5, 7, 9, ainsi de la suite. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous, hey, ça venait de loin, ça là. Ça venait de loin, et je me souviens. Aïe donc, le cœur, avez-vous entendu? Dans mes écouteurs, mon cou a craqué, là. C'est mon cou! J'ai dit mon coup, C-O-U. C-O-U, coucou. Cette semaine, la prise du coup par moi-même. Et ça, je crée l'épuisement du concept. Je puis-je chez moi. Rénal Gagné. Mon numéro d'assurance sociale? 37 12 92 52 et 22. Merci. Non, j'ai pas dit partout, j'ai dit 22. On va en supplémentaire. On va compter, on va gagner. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Et je passerai sous la douane parce que je lui ferai écouter avant de diffuser ce passage. Si elle le veut, ça sera présenté, sinon... Ça, là, c'est la censure. Alors aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Il faut souvenir, madame, que nous sommes le 28 décembre 2012. Nous avons peut-être un mot approprié, on le sait pas. Eh, ça tombe bien! Pourquoi t'as dit approprié? Tu le savais d'avance? Non! Je prévois la chute. Mais le mot! C'est vin. Le mot vin. Alors, et vin? Non, pas et vin. C'est le vin. Le vin. On est le 28? Non, le vin VIN. VIN. Ben, le vin glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, ben oui! Qui peut accompagner un bon mets? Ah, OK, le raisin. Ben le raisin, c'est moins ça, là, mais le vin, c'est la bouteille dans laquelle il y a un liquide. Et dans ce liquide-là, ce liquide s'appelle... Il s'appelle pas, il se boit à volonté, mais la modération a bien meilleur goût, mais le goût n'a pas de modération. Il y a plusieurs sortes de vins, on peut se faire accuser. De chauvinisme. Parce qu'on peut, bien sûr, balancer le vin québécois. Incroyable. Là, je discute avec un Français qui est arrivé ici depuis quelques mois. Puis il me dit, votre vin, là, c'est de la merde. Hey, Olivier, là, de la merde. Là. C'est de la merde. Ouais, je viens d'Alsace, moi, c'est du bon vin. Chez vous, c'est de la merde. Arrête donc, toi. Juge pas. Nos raisins était fédéraliste avant, non libéraliste, libéraux, était dans la soupape libérale. Elles ont été plantées à ce moment-là. Il y a trois belles rangées ensemencées pendant que le PQ était au pouvoir. Écoute-moi ça. OK, merci. Il n'y en a pas beaucoup. Un once pour goûter, là. Un once, d'accord. Du vin de Québec. Non, du Québec. Du Québec, de Québec. Du Québec, de Québec. De Québec, de l'île d'Orléans. De l'île d'Orléans jusqu'à la grande escarpe en écoutant chanter le vin de ce pays. Goûte. Je chanterai après. Ça, c'est le goûteur, là. Et monsieur, c'est quoi? Mais c'est le gorgoton qui goûte. Alors, parce qu'on boit pas, hein, on crache. C'est un vin d'Alsace, mais non, c'est un vin planté pendant le PQ, qui était pendant le pouvoir du PQ. Mais il y a une francophonie intense, là. Il a une loi pour sa langue des plus fondamentales. Merci. C'est un vin qui sent le pays, qui sent le Gilles Vigneault. Et comment ils l'ont appelé ce vin-là? C'est Jean du pays. Oh, allons, plaçons au summum de la francophonie le mot vin et surtout le vin québécois. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, celui pour lequel vous êtes tous rendus ici cet après-midi. Hey, attendez, là. Avez-vous entendu avec laquelle? Avec laquelle on va l'écouter, avec laquelle... Et maintenant, voici, oui. Mesdames et messieurs, oui. Celui pour lequel vous êtes tous... Celui avec laquelle? C'est pas laquelle Welsh, là, la belle laquelle... Hey, moi, je l'ai rencontrée il y a 3 semaines, la belle laquelle. Oh, elle était laquée. Oh là là là là là là, refait à neuf. Ah, oh, chauffé, éclairé. Une belle laquelle. C'est incroyable. Je suis amoureux. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, celui pour lequel vous êtes tous rendus ici cet après-midi. Et voici, de nouveau, avec son nouveau ragoût, de nouvelles blagues, de nouvelles histoires. Donc voici Lucien Boyer. Oh, c'est là, banane-moi mon ragoût, putain, putain, nouvelle hypothèque, puis morin de matin, petit dimanche matin, puis les musiciens, puis le buzz dans le coin, pense paye bien, puis ça va être rien, gorgeur et défunt, même pas de point, fin d'un you de l'œil, putain, putain, putain, putain, putain, c'est là, banane-moi mon ragoût, la la la la la la la la la. Oh, jamais j'ai rencontré quelque chose de bien, c'est bien, c'était beau, c'était gros. Puis tu t'es pas ouais, qu'à t'es, puis pose dans le coin, puis soigne, c'est la fin, la boîte, la coin, pas ouais, on est dos, la boîte, la boîte, oh, oh, oh, puis tu t'es, oh. Jolie demoiselle, la la la la la la la la la la la. Puis est demandée pour l'embrasser, en dessous du nez, ouais, donc, viens donc. Puis tu t'es pas ouais, qu'à t'es, puis pose dans le coin, puis m'a prendre mon bain, soigne, j'ai le fin, oh, tu t'es, oh, oh. Pour l'embrasser, la la la la la la la la la. Vous savez bien qu'à pas refuser un beau gars comme moi, regardez-moi là, elle connaît pas bien ça. Un tutin, un tutin, nouvelle hypothèque, un tutin, un tutin. Vous savez bien qu'à pas refuser, la la la la la la la la la. Voici ma chanson terminée parce que je suis fatigué, puis il fait chaud, puis il fait beau. Un tutin, nouvelle hypothèque, puis morin de matin, puis le dimanche matin. Hey, tu belle chanson là, hein? Un autre petit bout, nous, nous. Hey, tu belle chanson là, hein? Un autre petit bout, nous, nous. Hey, on va dire que j'étais un gars de party, on y en go. On va payer ces gars-là, on y en go. Il y a un gars qui est à confesse cette semaine. Il dit, mon père, je m'accuse d'avoir embrassé ma blonde, ses genoux. Le prêtre, ça c'est grave, mon enfant. Prenez le chemin de l'enfer. Le gars, tu trouves ça, ça sent de l'eau, bébé. Ben, vous dire comment s'il en arrive à confesse. Il y a un autre gars qui rentre par derrière. Il dit, mon père, je m'accuse de rester avec deux femmes. Le prêtre, vous avez pas honte? Rester avec deux femmes, c'est de la bigamie? Vous avez pas le droit? Le gars, il dit, criez pas comme ça, monsieur le curé. Vous avez bien deux, vous, dans le presbytère. Curé, c'est pas vrai. Ça, c'est des ménagères. Ben, le gars, il disait, chanceux, il dit, moi, c'est deux maudites gaspilleuses. Il y a un gars qui rencontre un autre gars dans un tramway. Oh, il dit, toi, en te regardant, tu ressembles à ma belle-mère. T'es effrayant, les yeux, le nez, la bouche. Oh, c'est pareil comme ma belle-mère. Puis la moustache. Le gars, il dit, t'es fou? Il n'y a pas de moustache. Non, mais ma belle-mère, elle en a une. Mais vous dites comment il y en arrive des affaires. Oui, certain. C'est bien pour dire comment il y en arrive encore des affaires aujourd'hui. Mais je suis tout mélangé dans mes papiers, moi, là. Il y a un gars qui a demandé à une fille pour danser, hein, tout à l'heure, puis il parlait pas l'anglais. Il a demandé, il dit, you want to dance, hein, parce qu'il parlait pas l'anglais. La fille a dit, to be short. Le gars, il dit, c'est pas que ça veut dire, to be short, mais il dit, anyway, elle danse. Il m'a dansé avec. Après avoir dansé, le gars, il dit, you come with me in the restaurant for the big lunch. Elle dit, to be short. Le gars, il dit, je sais pas ce que ça veut dire, to be short, mais ça a l'air d'être bon. Il passe devant une pharmacie. Il était après Jonathan encore avec la petite fille. Il dit, you come with me in my room. Elle dit, certainement. Puis là, il passe devant la pharmacie, hein. Parce que je me suis trompé un petit peu avant. Fait qu'en passant devant la pharmacie, il dit, wait a moment, I come back right away. Il revient avec une petite boîte. Elle dit, what's that? Le gars, il dit, that's nothing, to be short. Hein? Bien, vous dire comment c'est donné. Hein? Ah, il y a un gars, il dit, moi, là, je suis assez superstitieux. Il dit, tout le monde parle de moi, le gars, il dit, non. Il dit, ça dit, moi, il ne chante plus, là, ça rue. Il dit, tout le monde me regarde, puis ça parle de moi. Le gars, il dit, viens avec moi. Il dit, quoi, j'ai des billets de, pour aller voir des jeux, un jeu de football à New York. Si personne ne te connaît là. Le gars, il dit, OK, il rentre là, tu comprends? Et à un moment donné, tous les joueurs se mettent ensemble, faire un caucus, puis mettre ça parle ensemble. Le gars, il dit, viens, il parle de moi. dire, comment tu viens de dire? Pardon, excusez-moi. Il y a un gars qui rentre dans la barbershop après-midi, bégayait un peu, hein? Le gars dit, voudrait avoir une coupe de cheveux. Le gars dit, certainement, il prend les cheveux pour en arrière. Le gars dit, monte. Le gars était rendu en avant, il dit, monte pas trop. C'est rien, la semaine passée, je travaillais avec une danseuse, elle était cute. Quand on dit qu'elle avait 20 ans, vous savez, une femme à 20 ans, elle a les seins comme des diamants. Hein? Puis à 30 ans, c'est comme des perles, mais à 75 ans, là, c'est des vrais pendatifs. Voilà, ma chanson terminée. Dire à la radio. Oui, allez-y. Si n'importe qui d'entre nous, je dis bien, n'importe qui d'entre nous, Québécois, Italiens, tout ce qu'on voudra, si vous êtes exploité pendant 133 ans par un tyran, je dis bien, qui vous exploite, qui vous exploite, ouais. le jour où vous reprenez votre liberté, est-ce que vous revenez chez lui? Non, jamais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, jamais, c'est vrai. Vous avez été bafoué, vous avez été rejeté. On ne vient pas à l'endroit où on n'a pas été bien accueilli. Non, je ne parle pas apprécié. De ça. Ce n'est pas dans ce sens que je veux le dire. OK. Pas du tout dans ce sens-là. Il faut bien comprendre le sens. Je vais le redire dans un sens différent. Oui. Pour bien qu'on comprenne. Ah, c'est pas grave, hein, non. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà, je vous ai mis là. Eh bien, voilà. Ah, j'ai non, tout mais c'est vrai, la maison. Non, je disais que nous étions français, oui. Habitants en Algérie, mm-hmm. Les pieds noirs. Mm-hmm. Avec les Algériens, avec tout ça. Les Algériens ont fomenté la guerre d'Algérie, soit dit. Mm-hmm. Les Algériens ont dit, ouais, la France nous exploite, ce sont des tyrans, on est exploités, on est colonisés, gnagnagna. Ils ont demandé leur indépendance. Oui. On leur a donné. On leur a tellement fait baver qu'ils viennent tous en France. Qu'est-ce qu'ils foutent tous ici là? Ils ne peuvent pas construire leur pays. Si on les avait tant tyrannisés, ils ne seraient pas tous là. Non. Ils seraient repartis. Voilà. Ils seraient chez eux. Ouais. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'aime pas qu'on bave, qu'on dise du mal de mon pays. Ouais. Mon pays qui reçoit tout le monde. Tout le monde, ouais. Qui soigne tout le monde gratuitement et qu'on critique partout le marché. Donc c'est ça que je n'admets pas. Okay. Qu'on reconnaisse au moins on s'est trompé. Ouais, ouais. On a dit que la France nous exploitait, mais c'est pas vrai. Ouais, ouais, mais... Puisque si nous avaient tant exploité, on ne reviendrait pas chez eux là. Et voilà, c'est ça. Par wagon, tu sais, bon, on resterait chez nous. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est pas une question de raciste, non, c'est une question non. De. Reconnaissance. Je veux dire, comment vous dites du mal de... hein? Mm. Toi, tu me nourris pendant 10 ans, tu me nourris. Ouais. Je te rends des services parce que quand tu me nourris, bon, je te balaye le parterre. Ouais. D'après, quand j'arrive à monsieur, je dis, oui, il m'a tyrannisé, il me faisait balayer, il me faisait laver le parterre, il me faisait... Mais j'oublie de dire qu'il me soignait, qu'il me donnait à manger depuis des années. Faut pas oublier. Voilà. D'où on vient et... Mais on va revenir à la chanson parce que c'est ce qui nous amène ici. C'est juste une aparté. Oui, exactement. Mais vous faites autant du country que vous faites du rock, vous touchez à toutes les sphères. J'essaye de jouer de la musique, c'est-à-dire justement. Alors je peux aussi bien tomber dans un endroit où il y aura des personnes qui diront j'aimerais bien entendre un tango à l'harmonica ou une valse. Ou un morceau de classique, ou un Madison, ou un thème de jazz, ou voilà. Mais donc, vous êtes aussi imprégné par le jazz, ou oui. À la base, j'ai le jazz. Lesquels vous ont inspiré j'ai beaucoup écouté Duke Ellington, j'ai beaucoup écouté tous les... Comment qu'il s'appelle à la fin de la guerre, tu vas me le dire, J'oublie maintenant, chaque fois, c'est le truc. Glenn Miller. Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup écouté Sidney Bechet, j'ai beaucoup écouté Armstrong, qui m'ont donné les phrasés que j'ai, puisque j'étais petit, j'ai pris ce genre de phrasés, tu vois. Écoutez-vous beaucoup la radio à la maison, ou si vous êtes, est-ce que vos parents achetaient beaucoup de disques? Non, pas du tout. Okay. Non, surtout là-bas, il n'y avait pas grand-chose. On n'était pas encore avancé comme maintenant. Alors, j'ai écouté plus tard la radio, mais il n'y avait pas grand-chose à cette époque. Okay. Hein. That's what the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. Say that's life. Funny as it may seem, funky as it may seem, some people get their kicks from stepping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this old world keep going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. One time, the red man wouldn't buy if I didn't think it was worth a try. I rolled myself up in a big ball and died. Hey, I've been a puppet, a pawn, a pirate, a pawn and a king, up and down. I know one thing, each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. Side of life, I can't deny it. Thought of running out, but my bill just wouldn't let me buy it. If I didn't think it was worth a try, I rolled myself up in a big ball, said I'd roll up, roll right up. I'd get my razor. Thank you. perdu mon emploi, je suis fauché. Aujourd'hui, mes amis, c'est moi qui vous dis, pour un homme sans métier, l'ouvrage est dur à trouver. Mais ne vous en faites pas, il y en a plusieurs comme moi, je suis fauché. Je vais au bureau d'emploi, on me dit la prochaine fois, je suis fauché. Je rentre chez moi, le propriétaire est là, je suis fauché. Je lui demande une avance, il me dit sans attendre, pas d'argent, pas de bouillet, je suis sur le pavé, je vais. Je suis fauché. Il y avait la radio, mais c'était... Bon, les chansonnettes, c'était les chansons de pas de notre époque. En fait, c'était les chansons de... Lui, il a connu, de mes parents, tout ça. Les Reina Ketty, les machins, les, tout ça, les Maurice Frayel, Chevalier, ça, les Luis Mariano, oui, mais tous ces gens-là, quoi, hein, cette période. Hein. Le premier disque que mon père nous achetait avec un Tepaz, okay. Ma sœur et moi, je devais avoir... je sais pas, 12 ans. Non, merci. Il nous avait acheté le premier disque avec un Tepaz. Il nous avait mené Dalida, Bambino, voilà. Ça, c'est les années, fin des années 50, quoi. Ah oui. Bambino, ça, c'est oui. Le premier truc qu'il nous a amené, un Tepaz, à ma soeur et moi, avec un disque. C'était le tube de l'époque. Ah oui, oui, oui. Puis aviez-vous accroché ou... Ah non, gros, plus ou non, moins. Okay. Après... Alors là, il y a eu ma grande sœur, ma sœur aînée, qui a donc à cette époque, moi j'étais môme, elle devait avoir 20 ans, 20 ans. Elle venait avec ses copines et là, ils commençaient à danser Rock Around the Clock. Okay, comment s'appelle le disque venait de sortir. C'était Bill Haley. Ouais. C'était un truc fabuleux. Je les voyais danser. Et là, ça m'a parlé déjà. Ah oui. Ah oui, c'était la musique à l'état pur. C'était... Voilà. Hein? Ah oui. Voilà. Et tous ces titres-là. Et plus tard, après, c'était Sidney Bechet. Forcément, après, on est arrivé avec tout les petites fleurs, machin, tout ça. Et de fil en aiguille. Puis après, j'ai écouté José Prima. Ah oui. Voilà, tout ça. Just Digolo. Tout. Donc, j'aime bien jouer ce genre de thème comme ça, quoi. J'ai écrit une chanson aussi qui s'appelle Hey Bab, Hey Bab. Ok, c'est un hommage, je l'ai faite comme ça. Okay. Elle est mi-chantée, juste le refrain, pour que les gens chantent. Le reste, c'est joué, c'est instrumentalisé, mais c'est jazzy. Ah, ça fait... Tu vois, avec les amours. Ah oui. Et après, il y a pris un chanteur, ils ont dit Hey Bab, Hey Bab, Hey Bab, Hey Bab. C'est un truc de fou, quoi, tu vois. Okay. Mais on se souhaite quelque chose à Québec. Les gens vous ont écouté là, pendant une heure et quelques, et c'est de se voir dans un festival québécois. Ben, moi, j'aimerais bien. Soit à Montréal, moi, j'aimerais bien venir, mais il faut me faire venir. Pas moi qui. Il y aura sans doute. Moi, je décide de rien. Non, mais on ne sait jamais. Mais au moins, ça sera diffusé à la radio et les gens pourront bénéficier de votre grand talent. J'ai deux personnes qui s'occupent de moi. Oui. Parce que je me suis toujours occupé de moi-même. Lui, il s'occupe d'un peu de relationnel, voilà, de ouais. Machin. Et le gars qui s'occupe de moi, c'est Vic. C'est lui qui s'occupe vraiment de toute la... Alors si on doit me faire des venir, contrats, des contrats, il faut voir avec lui, okay. Avec moi, parce que toute la machinerie informatique, moi, j'ai déjà pas le temps. Okay. Et puis, je suis pas très axé là-dessus. Okay. Je sais m'en servir, mais c'est bon... C'est une autre génération aussi. Je m'en sers, mais c'est pas mon job. J'ai autre chose à foutre. Ouais. Par contre, venir jouer au Québec avec, mais alors avec grand plaisir, avec, sans problème. C'est ce qu'on souhaite, mon ami Freddy. Ben, et bonne c'est vie. C'est quand vous voulez. Bonne vie et bonne continuation. Et le public pourra entendre ce que nous avez joué en direct et ce que vous m'avez remis sur Super CD. Donc, ils vont aussi bénéficier on va de finir votre... avec un petit truc allez-y, sympa. Ce qu'il faudrait, c'est, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils tapent des mains derrière leur radio. Ben oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Vous allez taper des mains, ils vont faire. Vous allez entendre. Freddy, merci d'être passé à mon émission et on se revoit prochainement sur scène, quelque part sur la planète. Avec plaisir. À la revoyure. À la revoyure. À la revoyure et puis grand bonjour au Québec. Et aux Québécois, aux Québécoises. Aux Québécoises. Québécoises, on ne va pas les oublier. Hein. Les cousins. Ben les oui. Cousins, les cousines. Et oui, et voilà. Tourneau, à la prochaine. À bientôt. Je me promenais hier soir, sa rue Richard, j'avais rien à faire, je cherchais un bar pour boire ma petite bière tout seul d'un coin noir, me paqueter la gueule. Oh, ici comme ailleurs, on sent nulle part. Puis même si j'ai un cœur des fois, je me sens mort si boire, c'est pas facile la vie. Faut croire, j'suis pas le premier qui le dit. Quand je regarde mon chien qui se lamente au bout de sa chaîne, pis que moi je check, puis je rentre dans ma bio. Dans mon tombeau, c'est pas drôle de se voir dans un cabot. Attends un peu, y a du monde avant toi. Pour le train de la grosse vie, faut réserver ses cash ou argent comptant, une banque qui crash. Tout le monde couché, amène le cash à bébé, j'ai un train à prendre, tout le monde à plein ventre. Je veux pas de BS, mon chum, apporte le cash, mon homme. J'ai un train à prendre, il me faut de l'argent. Je veux pas me vendre, puis je veux pas, surtout pas, une job d'un restaurant. J't'aboute de voir des faces que je veux pas voir, de sauter des crevasses, pis des miroirs un pantin dans une plotte de laine, bière et vin au fond de la caverne.